de délaisser ce sur quoi il est pour se convertir ou suivre sunna ila akhari, fa ala kulli hal la bud min as-sabr. Ne pas se précipiter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wa pendant des années. Nuh alayhi salatu wa sallam, il a fait des da'wa pendant des siècles. وهكذا جميع الأنبياء والرسل يفوا باسيونتي. أما أحيانا نحن في نغاه une نصيحة إلا باكسبتي خلاص لا surtout celui qui a des شبه. Et une autre chose نستفيد هنا أن ce qui est clair pour toi أخي الكريم c'est pas forcément clair pour les autres. Voilà, on l'a répété souvent ensemble. أحيانا des choses très claires, par exemple ce sujet il est très clair pour النصيح, celui qui conseille l'un c'est clair pour lui. أن الكفار c'est des kuffars, l'islam c'est le haq, on doit suivre la religion de l'islam et délaisser les kuffars. في الحقيقة c'est très simple pour le mu'min. لكن pour هذا الرجل الآن c'est compliqué, il a des choubah. وتأملوا فعل الناصح وطريقة الناصح, la patience et le kalam الجميل et les arguments qu'il cite, et alhamdulillah c'est que du khair. على كل حال on se précipite pas dans le nasiha. Et Kadalik, on ne croit pas que c'est simple pour tout le monde. Tout ce que tu as compris, tout le monde l'a compris. Les choubahs, tout le monde peut les comprendre. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a guidé ton cœur, fa irham les autres. Bien sûr, tant que il y a du respect, il veut le khair, il a akhir. Ama wahid qui ne veut pas le haq, qui se moque, il a akhir, écarte-toi de lui, aslan. Lakin, on parle fi hal al-nasiha, quelqu'un, tu sens qu'il veut le haq, fa alhamdulillah, patienter avec lui. C'est que du khair. Tout ça, بشرط بعلم. لأن الناصح الآن il a du ilm. Mais celui qui n'a pas de ilm, il ne se mélange pas à haoula. Celui qui a des choubahs, faites dua pour lui. Ama vouloir le conseiller, Obama, il va te citer une choubah et cette choubah elle va rentrer dans ton cœur. Et un takadalik, tu auras besoin que quelqu'un te conseille. On fait attention à haoula. الناصح il a du ilm. C'est pour ça qu'il conseille. قال ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام تتوق أي تشوقت أي على أنفي ألم سسرقوا إلسان. وبعض الناس ils sont fascinés par le kafar, par l'Occident. Et tout ça c'est من غزو الكفار. أنهم avec les films, avec le cinéma, avec l'art, avec la musique, avec internet الآن, ils ont fait passer un message, envoyer une image, un al-gharb, l'Occident, c'est le monde idéal. C'est pour ça que tu trouves que كثير من المسلمين, que ce soit en Afrique ou autre, un homme, ils rêvent, ils font tout pour aller, imma en Europe, imma aux États-Unis. Pour eux, c'est le rêve. C'est la belle vie. فلهذا قال ونفسي تتوق إلى أولئك. هذا il a été touché. Pourtant, il vivait في الجزيرة. Et حتى البعض هناك وربما إلى في بلاد التوحيد إلى في نعمة un pays ولله الحمد le gouvernement يحكمون بما أنزل الله أمن la paix كذلك الدنيا ولله الحمد ils sont très très à l'aise et ils manquent de rien. Et ce bilad al-haramain il peut faire l'umra quand il veut, il peut faire le hajj souvent, il a akhiré des doros مهم. On connaît la vie هناك ولله الحمد. Malgré tout cela, il est attiré par l'Occident. Limada, comment cette personne qui vivait dans son pays, que ce soit au Jazeera, que ce soit en Afrique, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Asie, Al-Muhim, il vit dans un pays musulman, limada, il est attiré par Haoula. Ça nous montre qu'il y a des choses qui l'ont attiré. C'est les médias. À l'époque, il n'y avait pas ce phénomène. À l'époque, مثلاً, Al-Muslimin qui vivait en Afrique, au Maghreb, au Jazeera, ils n'avaient aucun lien avec l'Occident. Ils ne pensaient même pas aller là-bas. Abedan. L'Occident, ils étaient dans une situation pire. Lakin, avec les médias, ils font montrer les bons côtés. Et tu trouves que كثيرون من المسلمين, ils sont attirés. Shir Saadi, rahimahullah, dans ce passage, il va conseiller Hadar Rajoul pour lui montrer que c'est faux. فلهذا قال حضارة ظاهرها مزخرف. الحضارة, c'est cette société moderne de l'Occident, il a akhiré, zahiruha muzakhraf. Muzakhraf, c'est zakharif, c'est les décorations. C'est décoré en apparence. Muzawwaq. Muzawwaq, c'est la même chose. Quelque chose de muzawwaq, c'est de décorer. Qal wa batinuha kharab. À l'intérieur, c'est le kharab, c'est la destruction. Destruction de ton din.